Papoterie, un podcast retour sur la vie. Comment ça se passe? Bon, en fait, c'est un peu comme si on discutait normalement, un petit échange. Christiane, épisode 1. Exactement, c'est très sérieux. Un podcast retour sur la vie. Et du coup, vous avez été prof de français, c'est ça? Au début, j'étais prof de maths. Ok, wow. Maths et sciences. J'ai fait la fac à Jussieu, puis j'en ai eu marre. Des élèves, j'avais pas assez de différence d'âge pour m'imposer. J'ai demandé à être instite en primaire, et puis j'étais tranquille. Est-ce que vous étiez prof à la fac de base? Non. Dans un collège, vers la place de la République. Après, je me suis dit, je n'arrivais pas à suivre. En physique, en chimie, je ne comprenais pas. Et puis, bon, je voyais qu'il n'y avait que papa qui travaillait. Il y avait mes frères plus jeunes qu'il fallait qu'ils fassent des études aussi. J'ai dit, bon, allez, ça va. Je cherche du boulot et j'ai postulé. Et j'ai commencé dans les bidonvilles à Saint-Denis. D'accord. En tant que prof de français, cette fois? Toujours en tant qu'instit. Ah oui, instit, il n'y a pas de... Oui, c'est vrai. Okay. Et puis, 2 ans après, Paris a été séparé de la couronne. C'est-à-dire qu'avant, quand on était instit, on était... tout autour de Paris. Et après, ils ont fait Paris, c'est juste une académie. Et là, j'ai voulu réintégrer. Je faisais mes études en fac en même temps. Ah oui? Ah oui. C'est une vie de fou. Je pourrais plus le faire maintenant, c'était trop. Je courais d'un cours à l'autre. Non, c'était pas possible. Donc, j'ai dit, je laisse tomber. Vous y avez des études de quoi à côté? Sciences, d'accord. Maths et sciences, physique. Okay, ouais. C'était à la fac de Jussieu. Et puis voilà, j'ai demandé un poste d'un site. Et là, on m'a dit, ah ben oui, mais vous aviez un dossier en Seine-Saint-Denis. Je suis allée, c'était boulevard Morland, le rectorat à l'époque, tandis que maintenant il est là-bas à rue Archereau. Et puis j'ai attendu. Puis on m'a dit, vous voulez travailler? Vous voulez un poste? On m'a dit, vous savez, vous pouvez rentrer ici dans les bureaux. Vous aurez un mois de congé. Vous aurez la cantine. Vous avez des facilités? J'ai dit, non, moi je vais dans une classe. Bon, bah attendez. Alors j'ai fait des remplacements. On m'a envoyée dans une école. J'ai servi de secrétaire à l'inspecteur. Pour répondre au téléphone, pour aider les instits de l'école, pour faire des costumes, pour faire des peintures, des maquettes, pour préparer les fêtes de Noël et autres. Et puis dans cette école où j'étais, derrière les arts et métiers, il y avait un directeur. On arrivait le matin, tout le monde, le doigt sur la couture du pantalon. Et puis si on était en retard, il avait un adjoint. Il faisait aligner aussi bien instit qu'élève en retard, défilait un par un dans son bureau. Oula. Moi, je n'avais pas de classe. La secrétaire de l'inspecteur m'avait dit, je vous prends pour m'aider, moi j'ai besoin de quelqu'un. Et puis pendant ce temps-là, vous serez payé aussi. Oui. Parce qu'on était payé à la journée. Ah ouais. Ah, les instituteurs, les remplaçants étaient payés à la journée. D'accord. On ne travaillait pas de salaire. Et c'est okay. Où vous avez eu votre première classe? C'est dans quelle école? Au chemin de Marville. Dans le 93 à Saint-Denis. Vous êtes resté dans cette école ou vous êtes... Non. Vous avez bougé Non, puisque l'année d'après, quand j'ai voulu réintégrer, ça a été... Le 93 a été séparé de Paris. Oui. Donc j'ai réintégré directement dans Paris. On m'a envoyé dans le 3e arrondissement. Je suis partie dans le 3e. Ouais. J'ai eu un poste. J'ai remplacé au collège Béranger. J'ai remplacé, je faisais maths, sciences naturelles. Je suis restée 3 mois. Avec ce directeur. Et puis quand la titulaire est revenue, on m'a dit, bon, on va vous garder, de façon à ce que je sois payée. Vous allez aller faire des stages dans les classes. Des stages? Des stages de formation. Ok, ouais, parce que... Comment se procédaient les instituts titulaires? Ouais, c'est ça, parce que même encore maintenant, ça se fait encore. Les futurs instituts, ils assistent. Oui, à d'accord. Des classes avec un autre professeur. Bah, ma belle-sœur allait justement instit en école primaire et du coup au début, elle avait passé le concours, etc. Et tout. Mais au début, elle n'avait pas encore sa propre classe à elle toute seule. Elle était obligée de... Pour se former en fait. Oui, pour se former tout à fait. Pour se former. Ok. Et dans cette école, le directeur était une horreur. Et un jour, je rencontre rue Max Dormoy, la Monoprix, vous voyez l'école de la rue qui fait l'angle de la rue d'Oudouville et Max Dormoy. Ouais. Moi j'ai été élève là, ma mère aussi, et je rencontre, j'avais des copines et jumelles que je vois toujours, leurs parents étaient enseignants et ils habitaient l'école là. Et la mère de mes amies me dit, où c'est que t'es? Je suis à Ferdinand Berthoud. Oh, elle me dit, t'as monsieur Intel comme directeur. dis oui. Alors elle me dit, t'as l'air assez pas enthousiaste. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà ce qui se passe. Quand on sortait de la classe, je sortais, je n'avais pas d'élèves. Du bout du couloir, il gueulait, mademoiselle, où allez-vous? Vous ne pouviez pas lui répondre, j'ai aux chiottes. Je raconte ça à madame Lombrigard. Elle me dit, attends, j'y fais des réflexions sans arrêt. Elle dit, j'y fais pleurer tous les stagiaires. Puis il te fait assister à la leçon. Puis après, il te demande, mademoiselle, qu'est-ce que vous pensez de la prestation de la classe qu'a faite votre collègue instit? Moi, j'y sais bien. Et il me regarde et me dit, mademoiselle, c'est la leçon parfaite de la leçon ratée. Il n'était pas sympa, wow, ce monsieur. Hein. Alors, je raconte ça à la mère de mes copines. Elle me dit, t'inquiète pas, ce gars-là avec sa femme, ils viennent manger ce soir à la maison. Ils les avaient invités, c'était des amis. Ok. Ce mec-là m'a foutu une paix royale. Il a attaqué les autres instituts. Il leur envoyait des vannes. Moi, il m'a fichu la paix. Papoterie, un podcast retour sur la vie. J'ai bossé. C'était avant Noël. J'avais pas de classe. J'ai bossé avec les instituts de l'école. J'ai fabriqué les costumes pour la fête de Noël. Il a invité tout le monde. Moi, il ne m'a pas invité. Alors, je dis aux collègues pour lesquels j'avais travaillé, qu'est-ce que je fais? Elles m'ont dit, tu viens. Et c'est à la mairie du 3e. Je suis allée à la fête, j'ai aidé à habiller les enfants. Ah, elle me dit, vous êtes là? Oui, monsieur. Ce serait maintenant, je l'enverrai sur les roses. Elle m'a dit, c'était votre place d'être là. Un autre matin, il vient me chercher, j'étais en stage, et puis il me dit, j'ai une collègue qui part en retraite, alors j'ai besoin de quelqu'un. Passer ma matinée à tartiner des sandwichs et des toasts. Ouais. Et puis, deux mois après, la secrétaire de l'inspecteur me dit, bon, vous aimeriez peut-être quand même avoir une classe à vous. Mmh. Enfin, je dis oui. Alors, elle me dit, j'ai un poste, place de la Bourse, quartier pas mal. J'ai un poste pour combien de temps? 8 jours, 15 jours? Mais vous verrez. Elle dit, peut-être jusqu'au mois de juin. Ça va? Je suis arrivée dans une école, la directrice sympa, pour faire un cours préparatoire. L'instit me dit, mon petit, bien que je sois très grande, mon petit, est-ce que vous avez l'habitude de faire une classe? Alors, je dis non, je vois ce que font les autres. Elle dit, vous n'avez pas eu pratiquement de formation. Non. Elle me dit, bon, eh ben voilà ce qu'on va faire. Comme il y a deux cours préparatoires, vous allez venir dans ma classe. Je prends les deux classes, les enfants des deux classes. Vous allez vous asseoir au fond et vous allez écouter, regarder ce que je fais pendant un mois comme ça. Puis au bout d'un mois, elle m'a dit, ben maintenant, vous avez vu ce que je faisais. Oui, elle me dit, vous allez vous débrouiller. Je veux faire le programme. Je vais vous préparer les leçons. Ce qu'il faut faire, que les deux classes aient exactement le même programme pour que les parents ne soient pas alertés. Et puis, ben, on a marché comme ça. Puis au bout d'un mois, elle m'a dit, bon, je vous passe tous les programmes. Maintenant, vous vous débrouillez dans votre classe. Mais le soir, je corrigeais les cahiers avec elle. D'accord. Et on a fonctionné comme ça jusqu'au mois de juin. Et l'année d'après, je me suis dit, où est-ce qu'ils vont m'envoyer? Eh bien, je suis allée voir la secrétaire de l'inspecteur, celle qui était si gentille, mademoiselle Sals, je me rappelle. Et elle m'a dit, vous aimeriez rester dans cette école? Je dis, oh oui. Bon, allez, un an dans cette école, vous y retournez. C'était 4 ans dans la même école. Et après, je n'ai pas pu rester parce que j'avais suivi des formations, j'avais suivi des cours et il fallait que je sois titularisée. Et pour être titularisée, j'ai dû changer d'école. Papoterie, un podcast retour sur la vie. Et vous avez enseigné dans le 18e ou jamais? Jamais. Jamais? Vous êtes contente ou vous auriez aimé? Oh non. Non, vous n'avez pas de... Non. Ouais. J'étais dans une école voisine, j'étais dans le 2e, j'étais dans une école voisine, et dans cette école, j'y suis restée 35 ans. Ah ouais? J'y suis restée jusqu'à ma retraite. Vous étiez toujours instit ou vous avez... Ah, toujours instit. Ouais, ok. Instit, on est d'accord, c'est les primaires, ouais, c'est ça? C'est les primaires, ouais, c'est ouais. Ça. Ok, d'accord. Voilà, mais je suis encore en relation avec d'anciennes collègues. Et je suis restée dans cette école parce qu'on s'entendait bien entre nous. Il n'y avait pas de frottement, ouais, pas de tension. L'autre disait blanc. J'ai vu beaucoup d'écoles. Il y a une institut qui disait blanc, la collègue disait noir. Pour l'école, c'était, pour les gosses, c'était très déroutant. Et puis, ça ne pouvait pas coller. Tandis que là où j'étais, on disait blanc. Même si on n'était pas d'accord, on se le disait entre nous derrière. La solidarité dans l'équipe pédagogique, c'est super important. Exactement. Mais non, parce que ta mère est prof, ma mère est prof. Ah ouais. Elle est prof au lycée, donc... Elle est à, quel... à Paris ? Non. Moi, j'habite... je suis de la ville du Havre, en Normandie. Oui, au Havre. Et ouais, ma mère, elle est prof d'histoire géo au lycée. Et du coup, en fait, elle a enseigné dans mon lycée. Oh, ta mère, c'était ta prof aussi ? Alors, j'ai pratiquement jamais eu ma mère en classe. Je l'ai juste... Heureusement. Je l'ai eu pour un cours. C'était un cours de ECJS, une semaine sur deux. Ah ouais. C'était juste 2 heures toutes les 2 semaines, donc ça allait. Mais c'était super bizarre parce que j'étais dans la situation où... Est-ce que je l'appelle madame ou maman ? Ah, oh, purée. Et tu l'as vouvoyée ou tu l'as tutoyée ? Du coup, Alors, ma solution, je l'appelais pas. Ouais, voilà, tu parlais pas. Je n'étais pas là. Ouais. Mais du coup, ma mère, elle me racontait un peu les problématiques. Parce que du coup, elle faisait les conseils de classe. Et puis, du coup, moi, je lui disais, bah, quand j'avais des difficultés avec certains profs, mais tu sais, du coup, elle me racontait tu sais, c'est compliqué parce que tu sais, quand tu fais les conseils de classe, bah, en fait, tu fais au cas par cas chaque élève, etc. Et du coup, tout le monde échange son sentiment. Et en fait, c'est hyper compliqué, genre, de concilier un petit peu tout le monde parce que tout le monde a pas une relation différente par rapport à l'élève, genre, tu vois. Et dans certaines classes, l'élève, il va être participatif. Et certains profs vont voir qu'il a du potentiel, sauf que dans d'autres classes, l'élève va être infernal. Et du coup, c'est compliqué, bah, de trouver un terrain d'entente, en fait, entre toutes les expériences de chaque enseignant, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que quand tu tombes dans un établissement où tu vois tous les profs s'entendent plus ou moins bien, etc., ça a gardé parce que ce qui fait qu'il y a une bonne atmosphère. Papoterie, un podcast retour sur la vie. J'avais ma collègue du CP après, quand elle avait des gosses infernaux, elle leur disait tu vas aller dans la classe de Madame Grosjean. C'était la punition. Surtout pas ça. Je leur faisais rien. Hein. Pourquoi vous étiez la menace de l'école ? Ils avaient la trouille. Mais vous aviez une réputation de maîtresse sévère ou autoritaire ou... Oui. Ah. Oui. Et je me rappelle une année, un père d'élèves qui était super génial. Il tenait un restaurant vers l'école. Et 2 ans après, il me dit oh, vous saviez, ma fille, elle était terrorisée à l'idée dans votre classe. Elle disait Madame Grosjean, elle est terrible, elle est féroce. Et puis, une fois qu'elle était dans ma classe, elle a dit à son père, tu sais, finalement, elle est super sympa quand on est avec elle en classe. Et vous aviez, en général, le même... Enfin, toujours des CP, des CE1, ou ça tournait tous les ans ? Non, j'ai eu CP 2 ans, j'ai fait le CE2, j'ai fait un CM2, et je suis restée 32 ans en CM1. Ah ouais. Okay. Après, une fois que le programme est fait. Oui, c'était ma prochaine question, parce que du coup, quand on est instit en école primaire, bah, le programme il change pas tellement. Si, parce qu'il faut quand même. Les programmes ont beaucoup changé. Pendant un moment, on nous a imposé, dirons-nous, enseigner les maths modernes, dites modernes. On nous a imposé ça quand les États-Unis se sont rendus compte que c'était un échec et un fiasco. Ouais. C'est quoi les maths modernes ? C'était travailler par ensemble, par réunion, les intégrations, des choses comme ça. Oh là là, ça sert strictement à rien. Moi, pour moi, 1 + 1, ça fait 2. C'était un peu de l'utopie. Ça fait des grands mots, comme la grammaire fonctionnelle, c'est pareil. Il y a beaucoup à dire. Là, les gens chez qui j'étais ce week-end, elle était enseignante, elle a fini proviseur. On a eu la même réaction, et ceux qui ne sont pas dans l'enseignement ne peuvent pas comprendre. Elle me disait, je me mettais à l'entrée de ma classe le matin, j'ai moi aussi. Je les regardais tous. Celui qui ne disait pas bonjour, je lui disais, tu restes là. Je disais, mais qu'est-ce qu'elle me veut ? Pourquoi elle me fait rester là ? Tu restes là. Les autres entraient, bonjour madame, bonjour. Après, ils avaient fini par comprendre qu'il fallait dire bonjour. Ouais, ça filait droit. Et quand on s'asseyait en classe... Je ne parlais pas tant que je n'avais pas le calme. Première classe, je sais que j'ai gueulé, mais puis un jour, un directeur me dit, quand je me suis retrouvée à Faune, il m'a dit, vous avez compris maintenant ? Alors, quand je les regardais, j'étais là au bureau, je les regardais. Alors il y en a au bout d'un moment, ils disent « Tais-toi, la maîtresse, elle veut parler !» Et on crie, s'ils veulent entendre, il faut qu'ils se taisent. Papoterie, un podcast retour sur la vie. J'ai ma collègue du cours préparatoire, on se voit toujours, quand elle avait des petits monstres. Tu vas chez Madame Grosjean? Ah non, pas chez elle. Ah non, pas chez elle. Je leur faisais rien. Mais alors, j'avais un débarras. Ma classe avait un grand débarras tout du long. Un placard tout noir où on faisait du développement photo. Okay. Et les gosses s'étaient mis dans l'idée qu'il y avait un loup dans ce placard. Non, je veux pas aller chez Madame Grosjean, il y a son placard au loup. Et alors, ceux de ma classe qui avaient 10 ans, un placard au loup, je rigolais. Ma collègue m'envoyait un petit du cours préparatoire. Moi, je disais rien. Mes élèves, je la regardais et je disais, ah bah dis donc, tu vas aller dans le placard au loup. Mais la légende, c'est ça. D'ailleurs, j'en ai revu il y a pas si longtemps que ça, marié, père de famille. Maintenant, elle me disait, vous vous rappelez votre placard au loup. D'ailleurs, le fils d'une de mes collègues, il venait souvent m'aider le midi pour ranger une chose, une autre. Puis un jour, il est entré dans le placard au loup. Là, il me dit, il n'est pas là ton loup. Je lui dis non. Il me dit, mais comment vous faites pendant les grandes vacances? Qui vient lui donner à manger? Mes dernières années, j'avais aussi des jeunes qui venaient en formation. Et ils laissaient les gosses sauter dans le préau, se balancer au bout des cordes, sauter sur le plinthe. Puis tout d'un coup, moi j'ai traversé le préau. Ça a été une envolée de moineaux. Il y a Madame Grosjean qui passe. Après, les stagiaires m'ont dit, vous n'avez rien dit pourtant, on ne vous a pas entendu. Je dis non, je suis passée, c'est tout. Et je vous dis, quand j'ai eu les enfants de mes premiers élèves, hein. Et je me souviens, il y en a une. Un jour, elle me dit, mais enfin, je comprends pas. Elle dit à son gamin, quand j'étais chez Madame Grosjean, j'étais toujours la première. Je travaillais très bien, je comprends pas, toi, tu fous rien. Ben, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il a peut-être des difficultés. Et je n'ai pas osé lui dire à la mère, tu sais, toi, tu n'étais pas une étoile. Hein. Tu étais plutôt à la ramasse, hein, comme on dit. C'est un peu perdu, mais c'était bien. C'était Papoterie, un podcast retour sur la vie à l'espace Canopy.